L'agence télégraphique centrale de Corée a publié un commentaire titré « Il faut une idée nette de la Corée ». Elle a écrit « Alors que se fait constater clairement le signe de la confrontation sérieuse entre la Chine et les États-Unis à la veille de la prise de fonction du président américain Trump, court une rumeur étrange au niveau international que la Chine présentera la carte de la Corée du Nord au moment de la confrontation avec les États-Unis ». Le journal Wall Street Journal, la revue American Interest des États-Unis, le journal britannique Financial Times et le journal de Hong Kong de Chine Mingbao et autres insèrent l'un après l'autre des articles qui estiment qu'il est de plus en plus probable que la Chine fera face à l'administration Trump avec la carte de la Corée du Nord. Ce n'est rien d'autre qu'une vision unilatérale des médias qui ne savent rien du principe universel relatif à la souveraineté des pays ni notre République. Il faut souligner qu'il est absurde de dire que notre République prestigieuse en tant que puissance politico-idéologique et nucléaire sera utilisée comme une carte d'autrui et que le statut de notre pays qui possède des armes nucléaires est bien stable, bien que les autres reconnaissent ou non. À l'heure actuelle où la souveraineté des pays et des nations est violée sans merci partout dans le monde par le diktat, la séduction et la supercherie des dominationnistes, et que la sanction et l'embargo des États-Unis et de leurs suivistes contre notre République sont à l'extrême, notre pays est devenu une puissance nucléaire et militaire de l'Orient qu'aucun ennemi n'ose toucher. Grâce aux armes nucléaires de la justice, notre République ne se trouve pas coincée entre les grandes puissances voisines, mais elle est une puissante force capable de prendre l'initiative de la gestion de la situation régionale au point stratégique où s'opposent leurs intérêts vitaux. La position de notre République entrée au premier rang des puissances nucléaires avec les armes nucléaires de la justice pour préserver la souveraineté, le droit à l'existence et au développement de la nation et défendre la paix et la stabilité de la région ne peut point être niée et elle ne sera pas affaiblie malgré l'absence de la reconnaissance d'autrui. La position stratégique de notre République a changé foncièrement et il est temps pour nous de prendre l'initiative dans la solution du problème de la paix et de la stabilité au nord-est asiatique. À l'avenir aussi comme par le passé, nous défendrons par nos propres forces la paix et la sécurité de notre État et contribuerons activement à la paix et la stabilité dans le monde.